J'ai tellement hâte de te voir heureuse, main dans la main avec un bon gars. Sais-tu, peut-on, t'es chanceuse, aujourd'hui des bons gars y'en a. Bien habillé, toujours heureux, qui a vu son psychanalyste, qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il veut, qui sait pourquoi il existe. Fait que je te vois, c'est prendre ta choisir, ton femme amoureuse d'un scorpion. Son mec parfait pour le plaisir, pour la famille, ils sont pas bien bons. J'ai tellement hâte de te voir passer avec ton carrosse, puis ton bébé, pousse, pousse, poussette, la poussinette, et le biberon, et la trompette. Ça aurait pu être un moi, dans une autre vie, autrement sur une autre galaxie. J'ai tellement hâte, j'en ai rêvé, je pensais qu'à toi et qui pense à moi. J'ai tellement hâte de te voir heureuse, un charme, un char, un chien, un chat qui meurt d'ennui quand t'es pas là. Mes belles familles toujours unies, comme dans les pubs de ravioli, comme dans les films de Walt Disney, pareil comme à TV. Fait que cette fois, c'est bon à choisir, le pas de pas pour le bon, ton pas amoureuse d'un scorpion. Son vrai parfait pour le plaisir, pour la famille. Ils sont pas bien bons. J'ai tellement hâte de te voir passer avec ton carrosse puis ton bébé. Pousse, pousse, poussette, la poussinette, et le biberon, et la trompette. Ça aurait pu être moi, dans une autre vie, autrement sur une autre galaxie. T'aurais pu faire de moi n'importe quoi, ton joujou, ton loulou, ton chéri, l'homme de ta vie. Hey!